Choisis le bon départ, Rigo. La confiance est rare comme jamais trahir. À quoi bon vouloir salir si tu connais bien le scénar, idiot. T'as besoin de tirer, ton pote n'est pas là. T'as du genre à retirer d'un crédit chez Confine en gare, malade. Ta mère elle est souffrante, les keufs t'as pu descendre. Ton barbe n'existe pas, voilà. La fierté, ah ouais, t'as un crâne dans la tête. Tu te noires dans la zep et là tu deviens pique assiette. Speed à sec, plus de basket, on l'a. Choqué, tu t'enfermes dans l'alcool et tu prends du ferme. T'auras beau tourner en rond, fallait pas faire le mec fier. Choqué, tu t'enfermes dans l'alcool et tu prends du ferme. T'auras beau tourner en rond, fallait pas faire le mec fier. On est dans le groupe mais on fait ça bien tard. 2024, les Kaira pètent. Les Kaira pètent un zda. Remballe ta haine si les gens t'aiment. Garçon peine, garçon sachant que par centaines des hommes goûtent au sol, garçon ken. Termine tout seul, l'argent freine les relations réelles, demande à Laetitia. Les morts se réveillent, personne se dit que c'est bizarre. Marcher solo comme Yann, t'es vert comme Piccolo et tu te condamnes. J'ai solo comme Yann, t'es vert comme Piccolo et tu te condamnes. Choqué, tu t'enfermes dans l'alcool et tu prends du ferme. T'auras beau tourner en rond, fallait pas faire le mec fier. Choqué, tu t'enfermes dans l'alcool et tu prends du ferme. T'auras beau tourner en rond, fallait pas faire le mec fier. On est dans le gouffre mais on fait ça. Si la sienne te racole, regarde Adam et la pomme. Le diable et l'homme se la donne, se déchire et se raccorde. Tirer sur la corde qui tu abordes. Le marteau de tort quand l'amour te cause du tort. Mais garde les bons et les vrais. Tranchant tes l'épée, montant tes les faits. Hi, hi. 10, 9, zoom. 1, 1, 1, 2, 3.